L'exposé national technoscientifique du secteur de fibres et du papier a été tenu les 13 et 14 septembre à l'usine des fibres synthétiques de papier, de Sinizhou de la province du Pionghan du Nord, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont pris part des scientifiques, chercheurs, enseignants, techniciens et d'autres intéressés du ministère de l'Industrie chimique, des établissements scientifiques et d'enseignement et des usines. Y ont été présentées plus de 70 dissertations de valeur pour la réforme technique de l'industrie de fibres et du papier et le développement multilatéral et perspectif de l'industrie du papier sur la base des ressources nationales. Les diplômes ont été remis aux meilleurs exposants.